Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 54. Des qualités du Christ ressuscité. Identité du corps du Christ. Son état glorieux. Ses cicatrices. 1. Le Christ, après sa résurrection, a-t-il eu un vrai corps? Il dit à ses disciples, qui, effrayés et troublés, croyaient, après sa résurrection, voir un fantôme, palpé et voyé, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Il avait donc un corps réel, un corps de la même nature qu'auparavant, et non pas un corps fantastique. Sans cela, en effet, sa résurrection n'aurait pas été véritable. Note. On demandera peut-être comment un vrai corps a pu passer à travers les portes fermées. Si vous pouviez comprendre cela, répond saint Augustin, où serait le miracle? Là où la raison fait défaut, nous avons la foi pour base. Celui qui est entré de la sorte, c'est celui-là même qui, à sa naissance, ne porta aucune atteinte à la virginité de sa mère. Fin de la note. 2. Le corps du Christ est-il ressuscité tout entier? Les esprits n'ont ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Luc 24, 39. La résurrection du Christ n'eût pas été parfaite, si tout ce qui était tombé par la mort n'avait pas de nouveau reçu la vie. C'est pourquoi, ainsi qu'il l'a promis lui-même à ses disciples, disant, « Aucun cheveu de votre tête ne se perdra », Matthieu 10, 30, sa chair, ses os, son sang, tous les éléments, en un mot, qui composent le corps humain, ont dû, sans altération ni diminution, être réintégrés en lui par sa résurrection, dans laquelle il a certainement revêtu pour la vie immortelle le même corps qu'il avait pris dans sa conception pour la vie mortelle. 3. Le corps du Christ est-il ressuscité glorieux? L'apôtre dit, le Christ reformera notre corps humilié, en le rendant conforme à son corps glorieux. Philippiens 3:21. Une triple raison montre que le Christ ressuscita glorieux. Premièrement, sa résurrection est la cause et le type de la nôtre. Or les corps des saints, à la résurrection, seront glorieux, comme on le voit par cette parole de saint Paul, « Ce qui est semé dans l'ignominie ressuscitera dans la gloire. » 1 Corinthiens 15, 43. La cause étant toujours supérieure à l'effet, et le modèle à la copie, il faut que le corps du Christ soit ressuscité glorieux. Deuxièmement, le Christ avait mérité par les abaissements de sa passion la gloire de sa résurrection, aussi, après avoir dit, « Maintenant mon âme est troublée », parole qui se rapportait à sa passion, ajoutait-il, « Mon Père, glorifiez votre nom. » Jean 12, 28. Troisièmement, son âme possédait, dès la conception, la jouissance parfaite de la divinité, mais, par une disposition particulière de la sagesse divine, qui voulait l'accomplissement du mystère de notre rédemption, elle ne faisait point rejaillir sa gloire sur son corps. Il en dut être autrement à la résurrection. Elle put alors la communiquer au corps qu'elle reprenait, et ce corps ressuscita glorieux. 4. Le corps du Christ a-t-il dû ressusciter avec ses cicatrices? Il est écrit que le Seigneur, s'adressant à Thomas, lui dit, mettez là votre doigt, et voyez mes mains, mettez votre main dans mon côté, et ne soyez pas incrédule, mais fidèle. L'Évangile nous apprend donc que le corps de notre Seigneur est ressuscité avec ses cicatrices. Ce n'était pas par impossibilité de les effacer. C'était pour garder à jamais les marques de son triomphe, pour mieux inculquer à ses disciples la foi à sa résurrection, pour présenter incessamment à son Père, dans les prières qu'il lui adresse en notre faveur, les marques du genre de mort qu'il a souffert, pour rappeler à ceux qu'il a racheté sa miséricorde, pour montrer enfin, dans son dernier avènement, la justice de ses arrêts contre les damnés, auxquels il pourra dire « Voici l'homme que vous avez crucifié, voyez les blessures que vous lui avez faites, reconnaissez le flanc que vous avez percé, par vous et pour vous ce cœur a été ouvert, et vous n'avez pas voulu y entrer. » markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.